c'est Hannibal. Ah, oh Mike. Je continue de poser le contenu de ce condamné. Tous les jours, je suis condamné. Dieu compte me palper, mais les cris de mes écrits font crisper mes tripes. Agrippé de shit, sans afficher des clips où je viens gifler des flics, je te fais piger. De façon théorique, le travail n'est pas bâclé. Je viens tacler l'héroïsme, un flacon d'érotisme dans l'héroïne. Car je la baisse comme la routine, je cotise. Quand les gens roubillent, je dégoupille quand les gens disent trop. Sorti de boîte ou d'un bistrot, ces faux M6 prennent pour des maestros. Grâce à mon récit, ils comprennent qu'ils galèrent trop. Narcoleptiques, plus que narcotiques quand leur discours devient hypocrite. C'est dans mon égo trip que cette musique hétéroclite me fait cracher des météorites. Laissez au rythme de l'instru, ouais ouais, ce que je crache est désastre, ce que je lâche. Et ce vie qu'ils pensent qu'on cache entre nous, au bal des hyènes, j'entre avec les loups. La frappe aérienne qui met tout le monde debout, les cons à genoux, les contacts flous, les contrats sous-signés me pointent pas, se fait sous greffier. Car cela faut s'en méfier, surtout quand les faux semblent tes pieds. Leurs défauts sont sous tes yeux ou tes pieds. L'envie est gigantesque, quand est-ce que t'arrêteras de croire à l'illusion d'une vie dantesque. Moi dans mes textes, la rime incrimine le fond et le contexte, dans une apparence qui controverse l'avalanche de mes délires complexes. La balance penche pour l'instant entre l'argent et le sexe. Ces gens qui me vexent.